J'ai la plume qui me démange, je suis un jouet du destin. Je sais combien ça dérange, alors je dénonce le genre humain. On peut pas tomber plus bas, ni plaire à tout le monde. Mais derrière chaque silhouette se cache un cœur qui bat. De partir, ce n'est pas l'heure, mais tu chasses par plaisir. Pendant que l'animal se défend par peur. Des corps laissés pour mort, car la mélodie que fait une balle, on l'a tous apprise par cœur. Un tas de chrysanthèmes quand mon âme se casse en deux. Me casser de larmes, moi je l'ai marqué sur mes feux. Les enfants, je n'attends plus que vous. Le bonheur n'est là que peu. Je l'ai vu en essayant de combler les creux. Laisse-moi un éclat de lune, marcher sur les dunes. Visiter le monde jusqu'à en faire pleurer ma plume. Je suis un enfant de la rue qui rêve aussi de thunes. Plein d'idées en tête, j'attends que mon étoile s'allume. Toi je me taire ou bien hurler en silence. Pleurer pour la terre ou tout brûler à l'essence. Toi je me rendre à l'évidence que je suis bien mieux tout seul et que je me passe de ta présence. Une lettre pour toi, toi qui nous abandonne. Le bon Dieu abandonne face aux mille caprices de l'homme. C'est chacun pour soi et pour les autres on fait de l'ombre. Si on court tous à notre perte, c'est qu'on est tous en manque de l'homme. Clic clic boum font le bruit de tes armes. Des machines en métal créant un véritable désastre. Ce monde me désole depuis que tu le dévastes. Des vastes régions jusqu'aux îles les plus chastes. À chaque fois que t'apparaît, une race qui disparaît. Apparemment rien n'est plus pareil. J'emmerde ceux qui me disent taré. Moi j'ai vu Alice se pendre dans ton pays des merveilles. Je demande condamnation, un jugement équitable pour crime contre la nation. Coupable de conspiration, tu as imposé ton règne sur la dernière espèce en voie de disparition. Laissons à nos enfants un sol insalubre. Une bombe géante, un piège à leur insu. Pour ça je quitte ma page sans un salut. Je retourne attendre que mon étoile s'allume. Toi je me taire ou bien hurler en silence. Pleurer pour la terre ou tout brûler à l'essence. Toi je me rendre à l'évidence que je suis bien mieux tout seul et que je me passe de ta présence. Une lettre pour toi, toi qui nous abandonne. Le bon Dieu abandonne face aux mille caprices de l'homme. C'est chacun pour soi et pour les autres on fait de l'ombre. Si on court tous à notre perte, c'est qu'on est tous en manque de l'homme. On vient stopper ton manège. À travers ces mots, tu peux lire nos malaises. Ne plus t'avoir, un poids en moins qui m'allège. Donc je n'hésiterai pas une fois au bord de la falaise. On vient stopper ton manège. Car à travers ces mots tu peux lire nos malaises. Ne plus t'avoir, un poids en moins qui m'allège. Donc je n'hésiterai pas une fois au bord de la falaise. Que les batteries résonnent jusqu'au bout de la nuit. Qu'on entende le battement de chaque goutte de pluie. Qu'on arrête le massacre de mes frères. Et qu'on te fasse subir tout ce que t'as fait à autrui. L'enfer en quête plus d'un. La lumière va s'éteindre. Les flammes vont s'étendre. Ça risque d'être tout soudain. Faute à moi pour avoir marché sur tes pas. Merci, maintenant je sais que mon étoile ne s'allumera pas. Toi je me taire ou bien hurler en silence. Pleurer pour la terre ou tout brûler à l'essence. Toi je me rendre à l'évidence que je suis bien mieux tout seul et que je me passe de ta présence. Une lettre pour toi, toi qui nous abandonne. Le bon Dieu abandonne face aux mille caprices de l'homme. C'est chacun pour